France Culture, 14h, Culture Science. Aujourd'hui, Continent Science, Stéphane Delisgeorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours à 14h sur France Culture, bien sûr, toujours en direct du studio numéro 1, de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Double ouverture d'ailleurs pour ce lundi, puisque cette semaine est consacrée pour tous les rendez-vous scientifiques à des questions de climatologie, et en particulier, nous avons décidé de regarder le jour d'après, c'est-à-dire le moment post-catastrophique, les extrêmes, exercice bien difficile que celui de la prédiction, et encore plus difficile de prévoir les conséquences. Et des conséquences aussi bien physiques, climatologiques, voire humaines en particulier, serait-il possible que les choses finissent par des conflits climatiques, des guerres climatiques. Et pour cela, avec moi, Françoise Garil. Elle est directrice de recherche au CNRS. Elle a été présidente de la flotte océanographique française. François Dupont, amiral. Et Olivier Blon, qui lui est directeur éditorial de la fondation Good Planet. Mais évidemment, climat et catastrophe envisagées, nous ne changerons pas nos habitudes, et tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens les bourdons. Nombre d'espèces animales, comme on sait, et végétales, tentent de s'acclimater à la hausse de la colonne de Mercure, et en particulier en migrant vers les pôles, ou alors des latitudes plus fraîches, à la recherche de températures mieux adaptées à leur cycle biologique. Rien de tel chez les bourdons d'Europe et aussi d'Amérique du Nord. Faute d'adopter cette stratégie, ils voient leur aire de répartition, c'est-à-dire leur territoire dévolu, où ils évoluent, rétrécir comme peau de chagrin. Les scientifiques ont compilé plus de 420 000 données d'observation sur 67 espèces de bourdons, dont 36 présents en Europe et 31 en Amérique du Nord. Ils ont comparé les archives couvrant la période de 1901 à 1974 et les relevés, bien sûr, plus récents effectués entre 1975 et 2010. Les résultats sont catastrophiques. Non seulement les bourdons ne sont pas déplacés vers le nord, ils n'ont pas bougé. Au cours de ces dernières décennies, les plus chaudes, au contraire d'autres insectes qui, eux, ont bougé, mais de surcroît, ils ont disparu des zones les plus au sud et les plus chaudes. Au final, leur domaine de vie s'est contracté de 300 km sur l'un comme sur l'autre des deux continents. Le constat est d'autant plus alarmant que les bourdons font partie de la grande famille des abeilles sauvages, qui sont donc très actifs comme pollinisateurs et donc au rôle crucial pour les cultures et la sécurité alimentaire. Le réchauffement donc, est-il le seul ou même le premier responsable du déclin des populations de bourdons? Un état des lieux dressé en 2014 a montré l'importance de cette érosion. Sur les 68 espèces présentes en Europe, 30 en recul ou menacées d'extinction. D'autres études portant sur différentes époques ont montré qu'il n'existait encore aucune corrélation évidente entre le repli des pollinisateurs et l'épandage des pesticides. Tout semble donc montrer que les coupables, ce ne sont pas les pesticides, ni les changements d'usage des sols, clairement donc, c'est le climat. Ce qui n'est absolument pas l'avis du chercheur Michael Henry. Il remarque qu'il ne faut pas méthodologiquement mêler dans la même étude l'effet du climat qui joue à de grandes échelles spatio-temporelles et à celui des néonicotinoïdes ou insecticides mis en cause dans le déclin des abeilles. lui, se manifeste à une échelle régionale. Depuis les 15 dernières années, ce mélange d'échelles occulte en fait l'impact récent des pesticides sur les pollinisateurs. Or, il existe bien sûr aujourd'hui un consensus scientifique pour considérer que le déclin des abeilles est un processus, cette fois vraiment multifactoriel. Pesticides pathogènes, régression des ressources et des habitats naturels. De nombreux travaux ont établi le caractère délétère des néonicotinoïdes pour les colonies de bourdons, ces molécules chimiques. Donc, autrement dit, pour finir, établir la seule responsabilité du réchauffement dans la régression de l'aire de répartition du bourdon depuis un siècle ne disculpe en rien les pesticides, dont le déclin actuel de ces insectes merveilleusement butineur. Bonjour Françoise Gaël. Bonjour. Je prends prétexte tout de suite d'abord pour montrer que, bien évidemment, le plurifactoriel, le plus pluricausal et dans toutes ces affaires, hein, et celles qui vont nous préoccuper aussi, parce que à l'évidence au niveau local, eh bien, ce sont cette espèce d'infection générale et universelle, hein, des pesticides, et en même temps le réchauffement, on peut pas l'oublier non plus. Donc voilà deux paramètres qui n'ont pas du tout le même ordre d'échelle, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en climatologie. Oui, en climatologie. Dans les sciences en général, de l'environnement. Oui, dans les sciences de l'environnement en général. Alors, on peut peut-être commencer à décrire l'océan, parce que d'une certaine façon, après réflexion, j'ai pensé qu'il était bon de vous avoir comme porte-parole de ce que certains appellent le deuxième poumon de la planète. Hein, on parle tout le temps des forêts, on parle tout le temps de la réduction de la forêt amazonienne, des forêts primaires. Il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est l'océan. Vous avez raison, et je dirais même que c'est peut-être le premier poumon de la planète. Puisque finalement, si on considère la superficie de cet environnement-là, marin, ça représente à peu près deux tiers de la surface de la planète. Ça veut dire c'est finalement le premier environnement planétaire. Oui. Et à cet égard, si on regarde que ce n'est pas simplement une surface, mais un volume, à ce moment-là, on peut prendre en considération, en effet, l'océan comme le grand régulateur du climat aujourd'hui. Et on peut dire plus, d'ailleurs, parce que lui, tout seul, d'une certaine manière, dans son autonomie propre, l'océan universel, est quelque chose qui est extraordinairement mobile dans ses détails. Il suffit de penser aux courants marins, mais il suffit aussi de penser aux courants principaux. Et puis, un régulateur qui, par son mouvement même, son mouvement propre, est moteur aussi de l'atmosphère, puisqu'ils sont liés, et d'une certaine façon, il est un peu aussi le conducteur de la rotation de l'atmosphère et de ses mouvements. Oui, c'est une des grandes questions, c'est en fait, n'est-il pas le moteur du changement climatique aussi, et n'a-t-il pas une prépondérance dans la manière, sur le long terme, dont cet ensemble planétaire concernant le climat va fonctionner. Je pense que si on regarde simplement la circulation océanique, dont vous avez parlé tout à l'heure, oui, cette circulation océanique est le résultat des interfaces qu'il y a entre l'océan et l'atmosphère, par oui, exemple, entre les tropiques et les pôles, oui, avec les différences de température, ce qui entraîne une circulation qu'on appelle thermohaline, qui fait l'ensemble du tour des océans. Alors, on va insérer un certain nombre de chiffres pour faire une sorte d'état des lieux par rapport, en particulier, au dernier rapport du GIEC. J'en ai retenu quelques-uns. 0,85 centigrades réchauffement depuis 1880, c'est-à-dire depuis le début de l'ère pré-industrielle. La température terrestre s'est élevée donc de 0,85 degrés Celsius. Et les dernières décennies sont probablement les plus chaudes qu'ont connues, ou qu'a connues, l'hémisphère nord, depuis au moins 400 ans, 1400 ans. Deuxième chiffre, 4,8 degrés Celsius, réchauffement prévu d'ici à la fin du siècle. Oui. On parle des 2%, bon, nous verrons. Et enfin, 98 cm, et là, on se rapproche de votre spécialité, élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer est l'une des conséquences majeures du réchauffement et pourrait atteindre 26 cm, voire 88 cm en 2100, en fonction des émissions à venir. Tout à fait. Pas réjouissant, hein, déjà. Là. Non, il faut en avoir conscience. En fait, cette élévation du niveau de la mer est le résultat de quelque chose d'assez simple. Si la température augmente, tout ce qui est glace va fondre. Cette glace, c'est de l'eau qui va se dissoudre dans l'eau de mer et qui va augmenter le niveau de la mer. C'est ce à quoi on pense immédiatement par rapport à nos côtes, puisque c'est là où l'espèce humaine se développe le plus rapidement en ce moment. Alors on peut continuer et conclure dans un premier temps cette description de cet océan universel. C'est bien sûr la source principale des précipitations. Oui. Sa capacité de stocker la chaleur est terriblement efficace d'une certaine manière, puisque absorption de 93 degrés de l'excédent d'énergie résultant de l'augmentation de la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre, donc due aux activités humaines, à origine anthropo quelque chose. Hein. Vous confirmez ces chiffres? Tout à fait. Il faut quand même avoir conscience que par rapport à l'atmosphère, c'est l'océan qui stocke la majeure partie de la chaleur dû à cet effet de serre. Et je pense que un des grands problèmes qu'on a actuellement en tant que scientifique, c'est d'expliquer comment se distribue cette chaleur, comment ça se fait, quels sont les mécanismes qui sont sous-jacents, oui, etc. Alors, à vous lire, dans les documents que vous m'avez fait passer, d'abord, il contient cet océan 50 fois plus de carbone que l'atmosphère. Oui. Il y a beaucoup de choses, et là, on a fait de grands progrès dans la connaissance quand même, en particulier des courants, ainsi de suite. Mais l'océan profond est encore mal connu, dites-vous. Tout à fait. L'océan profond, au-delà de 200 mètres, si vous regardez les résultats du dernier rapport du GIEC, qui parle pour la première fois un petit peu de façon très précise de l'océan, on connaît beaucoup de choses jusqu'à 700 mètres. Au-delà, nous n'avons pas de données. Nous n'avons pas suffisamment de données et nous sommes incapables donc de prédire une grande partie des scénarios qui pourraient en résulter. Amiral Dupont, François, c'est la seule fois où je vous appellerai amiral. Après, si vous permettez, je vous appellerai François Dupont. Vous partagez quelque chose tous les deux. Vous êtes des plongeurs, parce que François Gall a plongé beaucoup plus profond, nous ne dirons pas les chiffres, mais beaucoup plus profond, en tout cas nous ne dirons pas vos chiffres, mais beaucoup plus profond que les sous-marins, qu'ils soient d'attaque ou de dissuasion nucléaire. Donc, vous avez un amiral océanographe. Je suis très, très jaloux de François Gall, parce que effectivement, c'est sans doute la première fois que je rencontre quelqu'un qui a plongé plus profondément que moi. Je voudrais revenir sur deux points. Quand vous dites la fonte des glaces, j'avais lu quelque part aussi que ça pouvait entraîner une modification des courants et que peut-être qu'un jour le Gulf Stream disparaîtrait et que donc on n'aurait plus de palmiers à Cherbourg. Oui. J'ai beaucoup habité Cherbourg. Est-ce que vous confirmez ça? Ce serait terrible. Oui, alors ça c'est une interrogation, mais c'est aussi un scénario possible. Ouais. Pour une goutte d'eau fait pratiquement en un siècle le tour des océans, de par cette circulation. Mais si justement il y a élévation de température, à un moment donné ce moteur thermique ne va pas pouvoir entraîner cette circulation, mais on ne sait pas quand ça arrivera. Mais en tout cas, c'est une possibilité qu'il nous faut considérer. D'accord. Le deuxième point, c'est que vous venez de dire qu'au-delà de 700 mètres, on connaissait mal le fonctionnement de l'océan. Est-ce qu'on peut dire que cette catastrophe à laquelle Stéphane pense pourrait ne pas arriver parce que justement, les ressources qui restent entre 700 mètres et 10 000 mètres, puisque c'est le maximum qu'on peut atteindre dans les océans, est-ce qu'il n'y a pas là une ressource qui permettrait justement à l'océan de se régénérer et d'aider à lutter contre non, pas forcément le réchauffement, mais à trouver un nouvel équilibre. Tout à fait, mais d'ailleurs c'est le cas pour l'instant, c'est-à-dire que nous pensons que cet océan est une sorte de buffer, de tampon de tout ce qui se passe, parce qu'il y a cet énorme volume profond qui permet d'amortir ces fluctuations et ces évolutions. Ouais. On peut dire aussi, juste d'un mot, qu'il y a en tout cas une augmentation de l'acidification des océans. Et ça, c'est un très mauvais signe. En très particulier, mauvais signe. Si ça se joue sur le fond. Tout à fait. Depuis des dizaines d'années, on constate justement une acidification des océans. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Alors, pour continuer, eh bien, on va essayer de maintenant d'avancer dans notre trame dramatique, d'une certaine manière, puisque on a constaté donc à l'évidence le niveau des mers est monté. Et il y a une situation très très particulière qu'on peut prendre comme prétexte pour montrer un scénario catastrophe qui déjà commence à s'installer et qui montre des signes. C'est évidemment des pays qui vont ou sont déjà touchés. Alors à l'évidence, les îles océaniques, de l'océan Pacifique, avec, entre guillemets, les premiers réfugiés climatiques, mais on pense évidemment aussi à certains deltas, on peut évidemment penser au Bangladesh, et remarquer tout de suite que, et les Indiens à l'ouest, et les Birmans à l'est, on construit des murs, il fait plus de 1500 km dans le cas des Indiens, du pays donc de l'Inde, avec des concentrations militaires. Pourquoi ? Eh bien pour fermer la frontière. Si on se place au nord, dans la partie septentrionale du pays, rien ne bouge parce qu'il semble pour l'instant, du point de vue chinois, que la barrière naturelle de l'Himalaya fait frontière. Comment vous interprétez ce premier signe d'abord ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez considérer, vous, Françoise Gaël, comme les prémices ? Oui, c'est des indicateurs. Hein. C'est ce qu'on appelle, c'est une sorte de phénotype. En tant que biologiste, on peut parler comme ça. Oui. Je pense qu'il faut aussi avoir conscience que ce qui se passe en un point n'est pas forcément généralisable en d'autres points. C'est ça aussi, l'importance de l'océan et son volume fait qu'on raisonne en termes de moyenne et que quelquefois, c'est en un point qu'il va se passer quelque chose. Donc, ça veut dire prendre conscience de la singularité de certaines régions par rapport justement à ces changements et éviter de les généraliser à l'ensemble de l'océan. Mais je pense que vous avez raison par rapport à ça. Par exemple, en Polynésie, entre la partie ouest et la partie est, il y a des différences de comportement concernant cette élévation du niveau de la mer, par exemple. Tout simplement parce qu'il y a les îles hautes et les îles basses. Et donc les îles basses sont évidemment plus amenées à être face à ce genre de choses. François Dupont, votre présence à ce micro est bien évidemment parce que l'armée en général, les forces armées, comme vous dites, sont obligatoirement mobilisé par la crise climatique, le réchauffement climatique, de manière en acte, par exemple. En préparation de cette émission, vous m'avez fait remarquer à l'évidence que déjà, dans la présence militaire au Mali, il y avait des conséquences de situations de sécheresse. François Dupont, est-ce que c'est une préoccupation des forces armées qui vont être l'instance régalienne qui peut être mobilisée si on va vers nos scénarios catastrophes où il peut y avoir des guerres civiles, où il peut y avoir des mobilisations telles qu'il y ait des fracturations ou des modifications de frontières, ainsi de suite. Est-ce que c'est quelque chose qui est sous la vigilance de l'armée ? Il y a deux points dans ce que vous venez de dire et dans ce qui est important. Je pense que c'est d'abord dans toute cette affaire problématique qui nous concerne, quel est le rôle des États ? Des instances politiques, de ceux qui essayent, on ne dit pas qui gouverne, qui essayent de gouverner le monde. Et les instruments de nature régalienne, comme ça qu'on parle en France, sont effectivement les forces armées et plus largement tout ce qui s'occupe de remettre de l'ordre d'apaiser une situation. Donc nous sommes extrêmement concernés. Et la France est très concernée parce que elle agit pratiquement dans le monde entier. Il y a une tradition militaire qui ne s'est pas démentie. Alors elle a été un peu ralentie pendant ce qu'on appelait la guerre froide, mais depuis la chute du mur de Berlin, début des années 90, on a découvert de nouveaux conflits qui nous ont entraînés aussi dans des zones qu'on n'imaginait pas. Je me souviens d'une réunion à très très haut niveau dans laquelle on disait l'Afghanistan, ce n'est pas notre zone. Bon, oui. Nous avons été en Afghanistan, on y est encore un peu. Il y a un général français qui a commandé les forces de l'OTAN en Afghanistan. Et donc là, depuis ce temps-là, on se dit qu'on est partout dans le monde légitime. Voilà. Et donc, climatique, mais ce qui se passe aussi en Syrie, qui risque malheureusement de se passer au Liban, ce qui se passe au Mali, etc. Nous sommes très concernés par les désordres qui peuvent être engendrés, justement. Et nous savons très bien que les conséquences climatiques du réchauffement peuvent entraîner des désordres, comme ils les entraînent aujourd'hui avec les migrants. Et donc nous sommes concernés en amont, parce que nous avons aussi, pour ce que vous dites, nos indicateurs, hein, puisque nous sommes présents partout. Pendant la crise, parce que nous pouvons essayer d'améliorer la gestion de la crise, peut-être essayer de ramener la paix dans des endroits très, très, très particuliers. Et puis après la crise, essayer de consolider l'apaisement. Bon, mais vous comprendrez bien qu'on le fait aussi avec des moyens qui sont des moyens limités en termes de volume, et que malgré toute notre bonne volonté, forcément la suite est prise et par l'économique et par le politique. Mais effectivement, nous sommes très concernés. À partir du moment où il y a un désordre quelque part, quelle que soit son origine, nous sommes concernés. Une fois encore, j'y insiste beaucoup, parce qu'il y a un esprit français au travers de ce qu'on a appelé le droit d'ingérence, en tout cas ce devoir d'intervenir là où il y a eu du désordre, quel que soit le lieu dans le monde, qui est très fort et qui est très fort en France. Et moi, personnellement, j'en suis très fier. Oui, et en particulier, c'est vous qui m'avez donné cet exemple, qui était la belle Jeanne d'Arc, qui maintenant est... a fini sa vie de bateau ambassadeur et qui était mobilisé pour un tsunami. Alors il y a une chose qu'on peut... Et Katrina. Oui, et Katrina, bien sûr, ouais. Bien sûr. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que, évidemment, avant, le métier de soldat, c'était, en particulier pour l'infanterie, c'était sur un théâtre de guerre, parfaitement hors urbain, en tout cas. Ouais. Et voilà que, d'un seul coup, de plus en plus, un certain nombre de forces ressemblent à ce qui est la formation, par exemple, des forces de gendarmerie ou des forces de police spéciale, je pense comment s'appelle-t-il, les forces d'intervention, les forces spéciales, ah, voilà. Oui, oui. Et donc, ça veut dire une pratique urbaine en particulier. Ça veut dire que là, beaucoup de changements. Hein. Absolument. Et j'invite ceux qui ne l'ont pas vu encore à aller voir Américains. Le GIGN, voilà. Je vous interromps, pardon, j'avais un trou. Oui, GIGN, mais les forces spéciales en général. Les forces spéciales en général. Et pour rejoindre ce que vous dites sur la guerre urbaine, j'incite beaucoup à aller voir American Sniper, qui est moi, je ne suis pas du tout un fanat des films de guerre. Je trouve que très souvent, ils ne reproduisent pas la réalité que j'ai vécue pendant plus de 40 ans. Mais celui-là explique très très bien l'énorme difficulté qu'il y a à faire la guerre à l'intérieur d'une ville, dans laquelle une jeune femme qui sort avec son enfant, on ne sait pas si c'est un combattant ou pas un combattant. Et ça, c'est le retour vers les villes qui sont des villes maintenant qui sont surpeuplées, dans lesquelles il y a énormément de chômage, énormément de misère, etc. Ça sera un lieu extrêmement important des guerres. Et donc ça, c'est une des conséquences du réchauffement climatique. Et vous disiez aussi que c'était intéressant de voir qu'il y avait des légionnaires sous la Tour Eiffel. C'était votre expression. Oui, mais François, il y a actuellement des légionnaires sous la Tour Eiffel et aussi des légionnaires dans le massif des Sifoka au Mali abattent des terroristes. Et je ne vois, il n'y a pas de discontinuité, il n'y a pas de solution de continuité entre tout ça. Tout ça, c'est notre métier que nous faisons de façon le plus large possible. Question d'Olivier Blond, d'ailleurs, je vais la poser pour lui, mais après il pourra avancer. Mais en particulier, est-ce que l'armée américaine, il donne cet exemple, est consommateur, le plus gros consommateur d'essence au monde, 100 millions de barils par an. Il faut de l'essence, hein, ou du gasoil, je ne sais pas, hein, pour faire avancer le Hummer et les tanks. Hein. Est-ce que ça, par exemple, ça peut être une considération qu'on peut avoir? Est-ce que, par exemple, il y a une vigilance écologique de l'armée dans ces moyens futurs? Bon, par exemple, les drones n'utilisent peut-être pas beaucoup de carburant, mais est-ce qu'il y a, là, de façon plus spécifique, une sorte de vigilance ou de prospective qui intègre l'univers écologique et le problème climatique du réchauffement. Je dirais plus largement que, et c'est vrai, les forces armées françaises que je connais bien, elles ont toujours le souci de l'économie. C'est-à-dire que comme nous sommes une armée qui a un certain nombre d'hommes et de femmes, mais on n'est pas l'armée américaine ni l'armée chinoise, comme on intervient sur beaucoup de théâtres à la fois, avec des unités qui des petites unités autonomes, nous essayons d'économiser. Non seulement d'économiser, bien sûr, le pétrole, c'est-à-dire de faire au mieux avec ce que nous avons, mais d'économiser aussi les effets dont nous sommes responsables. Et la tradition des armées françaises, c'est quelque chose aussi que je trouve très, très formidable, c'est d'utiliser son arme au dernier moment. C'est-à-dire que on n'utilise pas son arme en disant on va régler le problème en supprimant tout ce qui nous gêne. On va jusqu'au bout de ce qu'on peut faire sans utiliser notre arme. Oui. Et de ce point de vue-là, on est, je pense, très, très économe de l'environnement. Sur les dépenses de pétrole et de gasoil des Américains, on est dans des rapports qui sont extrêmement disproportionnés. Et nous avançons, c'est ce que je disais à Olivier Blond hier, nous avançons avec les progrès de la science sur les moteurs, etc. C'est une préoccupation beaucoup plus générale d'économie. Oui, François. Oui, je voulais juste rappeler quand même l'importance que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps du rôle de l'armée au niveau de la biodiversité. Quand je suis allée aux îles Éparses... Les îles Éparses, quelle merveille. Je veux dire, j'ai trouvé ça, c'est des paradis pour les animaux et pour la nature, les amoureux de la nature. Je pense que s'il n'y avait pas l'armée, donc un rôle par rapport à l'environnement, on n'aurait plus la possibilité d'y aller. Et être garant comme ça de la nature, je trouve que c'est un nouveau rôle de l'armée qui peut être intéressant, enfin pour les scientifiques aussi, puisque nous avons la possibilité d'utiliser les navires qui permettent d'aller à proximité de ces... Eh oui, puisque j'ai emprunté un batral pour faire un reportage pour France Culture, hein, dans les îles Éparses, donc qui sont dans le détroit du Mozambique, entre Madagascar et la côte africaine. Et en particulier, il y a même des moustiques qui sont préservés, qui sont l'abomination même sur Europa. Vous êtes absolument attaqués, mais par des myriades au sens propre de moustiques. Et c'est assez étonnant de voir que très rapidement, vous allez être avec des militaires du RPMA, peut-être des légionnaires, puisqu'il y a la présence de militaires sur chacune des îles, que ce sont des propriétés de l'État français, ni des DOM, ni des TOM, mais elles ont un statut particulier. Aucun Français ne peut y descendre sans... Il n'a pas le droit. Il faut une autorisation spéciale. Et donc, nous sauvâmes de conserve avec des gens du RPMA, des militaires, un certain nombre de tortues marines qui font leurs quelques 120 kilos et qui sont extrêmement sensibles à l'ensoleillement et qui, d'un petit coup de battoir de leur petite palme, peuvent vous casser le poignet. Voilà. Là, il y a une présence où tous les militaires présents sur les îles Éparses, d'ailleurs on pourrait dire la même chose sur Kerguelen et consorts, se transforment en écologistes, les pousser les cheveux longs. Parler Olivier qui a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais simplement rappeler que notre métier de soldat, qu'on soit marin, aviateur ou qu'on soit sur le terrain, c'est d'être complètement immergé dans l'environnement. C'est lui qui nous protège. Et donc si nous ne le protégeons pas et surtout si nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas survivre. Et donc, cette proximité est extrêmement forte. C'est vrai pour le marin en particulier. Son respect vis-à-vis de la mer, son respect vis-à-vis de la météo, qui implique d'ailleurs, qui entraîne une certaine philosophie de la vie. Oui. Olivier Blond. Oui, je voudrais revenir sur l'environnement urbain, parce qu'on a beaucoup discuté de la nature, presque, d'une certaine manière, et l'environnement urbain, très artificiel, peut sembler presque protégé, d'une certaine manière, des phénomènes climatiques. Mais c'est évidemment faux, d'abord parce que les villes dépendent complètement des campagnes pour leur subsistance, et le réchauffement climatique, dès maintenant, modifie profondément tout ce qui est pratique agricole, avec aujourd'hui, c'est les vendanges, on sait qu'elles ont été avancées pour le Beaujolais, par exemple, de un mois en quelques décennies, ce qui est énorme. Mais il y a, à l'autre bout de la planète, par exemple en Australie, des sécheresses extrêmes. Et pour prendre l'exemple qui a déjà été évoqué par Stéphane, en Syrie, il y a eu, sur la dernière décennie, la pire sécheresse sur 6 ans qu'a connu le pays de mémoire d'homme. Et ça a amené 1,5 million de personnes à quitter leur terre pour rejoindre les villes comme ils le pouvaient, et a amené une instabilité qui n'a pas causé, évidemment, les événements qu'on connaît, mais qui a accru encore le stress que connaissait le pays. Et à l'autre bout du monde, parce qu'encore une fois, ça n'arrive pas qu'aux autres, eh bien, il y a très récemment eu aux États-Unis la catastrophe Sandy, qui a fait quand même plus de 100 morts pendant 2 jours, la capitale du monde, d'une certaine manière, New York, a été privée d'électricité et de pétrole, ce qui est quand même ahurissant. Et cela, après, on en fait le 10e anniversaire, Katrina à la Nouvelle-Orléans. Donc, nos univers urbains sont aujourd'hui déjà transformés et menacés par le changement climatique. Après, si on doit regardez encore une fois, encore plus grande échelle, on parlait à nouveau du Bangladesh. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Bien sûr. C'est aussi un des pays les plus peuplés du monde. Oui. Si les océans montent de presque 1 mètre, ou si en tout cas tout ce qu'on prévoit survient, c'est des dizaines de millions de personnes qui vont devoir quitter l'endroit où ils vivent pour aller, alors où, justement, c'est une grande question, la plupart iront dans les grandes villes du pays, parce qu'ils ne vont pas traverser le monde pour frapper à nos portes, mais ils vont peut-être, par exemple, simplement rejoindre les bidonvilles immenses de Dakar, et c'est un problème majeur pour nos sociétés. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Eh bien voilà, passé le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, dans cet exercice futurible, cet exercice de prédiction, de prévision, d'évaluation futurible, lorsque, eh bien, la crise, peut-être même l'effondrement, sera possiblement arrivé à l'échéance 2020, l'échéance 2050, à l'échéance 2100, le jour d'après, donc, pour faire vite. Olivier Blanc vient de donner un exemple. On pourrait en prendre un tout simple, que je trouve très très marquant, et vous aussi. Il y a déjà des conflits climatiques, des micro-conflits climatiques très rapprochés. Pour l'avoir visité le Kenya, j'ai vu bien sûr les Samburu, j'ai vu bien sûr ces magnifiques personnes qui vont au point d'eau, comme les Maasai, qui sont d'ailleurs cousins des Samburu, et pour faire abreuver leur troupeau, qui est l'essentiel de leur richesse. Et maintenant, on est devant une situation qui avant était tout à fait réglée, apaisée. On va faire boire ces animaux avec des kalachnikovs. C'est terrible. Donc ça peut être un exemple, mais de conflits climatiques directs, puisqu'il y a des conséquences, bien sûr. Ce que je pense très intéressant dans l'exemple que tu donnes, Stéphane... Que vous donnez, on se vous voit toujours. Pardon. Alors, ce qui est très intéressant dans l'exemple que vous donnez, Stéphane, c'est que on voit la transformation de ce qu'est un conflit climatique. Il y a 10 ans, moi je suis militant écolo depuis des années, il y a 10 ans, on parlait des guerres de l'environnement. Oui. Donc ça opposait deux États. Par exemple, l'Égypte à l'Éthiopie sur la question de l'eau, le Nil qui devait se partager. Il y avait des rumeurs de guerre. Ou par exemple au Moyen-Orient, Israël, Palestine, etc. On peut dire que la guerre du Darfour est pour l'essentiel aussi une des premières guerres climatiques. Ce qui est intéressant, c'est que justement aujourd'hui, ces conflits se passent à l'intérieur même des pays. Ce sont des États qui implosent, oui, avec à l'intérieur différentes composantes, oui, qui vont s'affronter. Le Kenya, c'est des Kenyans entre eux. Bien sûr. Le Darfour, finalement, alors on peut discuter de qu'est-ce que l'État soudanais, mais c'est des gens qui, à l'intérieur de cet État, s'opposent les uns aux autres. Et je crois que c'est la leçon peut-être géostratégique que peuvent tirer les écolos de ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est que le danger majeur aujourd'hui, ce ne sont pas des guerres, mais ce que Stéphane vous appelait des effondrements, c'est-à-dire des États qui n'arrivent pas à faire face au stress, aux transformations qu'amène le réchauffement climatique, que ce soit un afflux de migrants, que ce soit une sécheresse extrême, que ce soit une pénurie d'une ressource ou d'une autre, et qui donc échoue à gérer ce problème et qui s'effondre dans une guerre civile dont il est après très très très difficile de sortir. Vous avez parlé donc de migrants. Et vous parlez plutôt à l'ordinaire de réfugiés, hein, de réfugiés climatiques. Et dans la documentation que vous m'avez fait passer, Olivier Blanc, 300 millions de personnes, c'est généralement le chiffre que l'on donne en ce moment pour ce qu'on peut appeler migrants. C'est migrants, bon, ça fait un peu immigrants. Réfugiés, c'est réfugiés, hein, c'est-à-dire des gens qui sont obligés de se déplacer, hein. Alors, le terme de réfugié climatique est très important parce qu'il permet de mettre finalement une image sur une réalité sociale. C'est qu'effectivement, oui, il y a des gens sur toute la planète qui vont être amenés à quitter le lieu dans lequel ils ont vécu, dans lequel leurs parents, leurs ancêtres ont vécu, et parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il n'y a pas assez d'eau, parce que l'eau monte, pour plein de raisons, encore une fois, ces gens vont devoir partir. Mais c'est très compliqué à définir précisément, et le chiffre de 300 millions qu'on donne est absolument faux. Tout le monde le sait, mais on n'en a pas de meilleur. Donc on continue à répéter celui-là, faute de mieux. C'est plutôt plus ou moins ? C'est probablement un petit peu moins, mais même si c'est que 200 millions, le queue devient absurde quand il est suivi de 200 millions de personnes. Et surtout, ce qui est très important, c'est de bien faire la différence entre ces réfugiés climatiques et tous ces migrants qui, aujourd'hui, essayent de traverser la Méditerranée pour frapper à la porte de notre continent, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes mécanismes. D'abord, la plupart du temps, ces personnes ne vont pas, encore une fois, traverser les frontières, mais vont rester à l'intérieur de leur pays. Oui. Par exemple, au Bangladesh, les gens vont simplement faire 50 km, 100 km pour aller jusqu'à Dhaka, parce que, d'abord, ils ont envie de rester dans leur pays, la plupart du temps, parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas les moyens de faire le tour du monde. Et puis parce que, encore une fois, il n'y a personne pour les accueillir. Oui. Donc très souvent, ce sont plutôt des déplacés que des migrants. Mais après, les mots importent peu. Et puis, très, très, très important, ce ne sont pas des migrants comme, par exemple, les Yazidis, dont on a beaucoup parlé, peut-être pas assez d'ailleurs, dans les médias. Ce ne sont pas des gens qui migrent parce qu'il y a quelqu'un qui pointe un pistolet sur leur tempe. Ce ne sont pas des migrations forcées, ou en tout cas pas directement. C'est souvent une migration qui est plus de l'ordre du choix individuel, entre guillemets, parce que, en fait, le climat induit toute une cascade de mécanismes économiques qui vont faire qu'après, les gens vont se dire qu'ils ne peuvent plus vivre ou plus bien vivre là où ils vivent. C'est-à-dire que, par exemple, le Bangladesh, c'est une image d'Épinal que d'imaginer les gens avec l'eau jusqu'au cou, etc. L'eau va, selon les scénarios, monter de 1 mètre d'ici la fin du siècle. La fin du siècle, c'est dans 3 générations. Donc aujourd'hui, les gens ont déjà de l'eau parce que non seulement l'eau monte un petit peu, mais parce qu'il y a de plus en plus de tempêtes, parce que l'eau de mer amène une salinisation des terres qui empêche les cultures. Et en fait, au bout d'un moment, les gens n'ont plus de quoi vivre et doivent partir. Donc c'est d'une certaine manière des migrants économiques, mais avec une causalité climatique derrière. Encore une fois, c'est des causalités tellement différentes qu'il faut... Il faut éviter les amalgames parce que c'est un problème évidemment majeur à l'échelle de la planète. Avant de prendre votre réaction, Françoise Dial, je voudrais simplement rappeler qu'il y a une littérature qui malheureusement est assez mal connue, qui est une littérature d'analyse scientifique dans les multicauses ou dans les causes complexes qui peuvent amener ces mouvements politiques terribles, et en particulier ces mouvements guerriers, qui trouvent et qui finissent par, pour certains, on peut penser par exemple à Daesh, des arguments religieux. Il y a vraiment une littérature d'analyse pour savoir si il n'y a pas une part plus importante qu'on l'avait cru ou qu'on n'avait pas analysé jusqu'ici de la dimension climatique, de ces désordres mondiaux. Et encore une fois, comme je le disais au début de cette émission, le GIEC, dans sa synthèse, parle de guerre climatique. Quelle était votre réaction ? C'était par rapport à ce que vous disiez. Une des questions qui peut se poser en tant que scientifique, par exemple, on peut considérer que le Bangladesh, de par sa situation, a été soumis auparavant déjà à des événements extrêmes. Et donc, si on regarde par le passé, comment est-ce que les choses se sont faites et comment ça s'est produit et quelles ont été les conséquences ? Ce que je trouve très intéressant dans l'exemple du Bangladesh, quand on compare d'ailleurs à d'autres exemples, c'est qu'il met en évidence la nécessité d'anticiper et de réagir. En fait, les crises à venir, aussi probables qu'elles soient, ne sont pas irréversibles à mon avis. Encore une fois, si notre société est suffisamment agile, eh ben, elle peut faire face. Encore une fois, la même catastrophe, si elle arrive sur la côte américaine ou sur la côte du Bangladesh, elle n'aura pas le même impact parce que les deux sociétés ne sont pas préparées de la même manière. Elles n'ont pas les mêmes moyens, c'est sûr. François Dupont. Oui, moi je voulais intervenir sur une conversation que nous avons eue au téléphone avant. Vous nous avez parlé d'accords bilatéraux dans une région du monde. Peut-être vous pourriez y revenir. Et je crois beaucoup qu'aujourd'hui, la COP21, c'est très bien. Les Nations Unies, c'est très bien. Mais qu'il faut aussi contraindre, en tout cas persuader les États et au-delà des États, les individus dans chacun, qu'ils ont une part de la solution. Et que ce n'est pas simplement l'État mondial qui fera la solution. Et je crois qu'il y a une intelligence locale et une responsabilité des États qui doit dire, eh bien, écoutez, nous, on va être confrontés à ça, on aura le temps de le voir venir, qu'est-ce que je fais ? Et je pense que ce point-là est important. J'entendais sur France Culture, bien sûr, le fait que... Radio que vous ne détestez pas. Que des réseaux sociaux islandais s'étaient mobilisés pour pouvoir accueillir des réfugiés qui... l'Islande devait accueillir 100 réfugiés, ils ont trouvé que c'était ridicule. Et je crois qu'ils en sont à 10 000 maintenant. personne ne leur a dit. Et donc il y a eu cette mobilisation, ce réflexe humain. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette phase où l'homme doit prendre en compte ça, et pas simplement attendre tout de la COP21, même si la COP21, c'est important. Alors, ça pourrait être une question générale que je vous pose à chacun en conclusion, mais je vais vous la poser tout de suite. Est-ce que, d'une certaine manière, parce que quand même l'avenir est catastrophique, ça sent quand même l'effondrement, surtout si on y ajoute des considérations, par exemple d'énergie. Il est à l'évidence certain maintenant, bon, si c'est bon pour leur balance économique, que cette espèce de frénésie concernant les gaz de schiste aux États-Unis est une aberration écologique grandiose. Et que là encore, il y a une connexion étroite, et on peut pas s'empêcher de la faire si on est un peu réaliste, entre cette situation et le fait des marchés financiers, et des marchés financiers à court terme, puisque tout le monde joue à la bourse très fort aux États-Unis concernant le gaz de schiste. Passons. Je commence par vous. Est-ce que vous êtes, de façon générale et de but en blanc, pessimiste ou optimiste? Est-ce que vous pensez qu'il y a une capacité de résilience, au fond, dans cette situation où tous les paramètres sont au rouge, quand même? Oui, alors, bon, moi, je suis une optimiste lucide. Donc, je dirais qu'il y a un risque d'effondrement. Oui. Ce qui est un peu différent de... Le risque d'effondrement, ça veut dire qu'on se place en situation d'analyser les conditions dans lesquelles il pourrait y avoir effondrement. Et avec la rationalité qui caractérise l'espèce humaine, je pense qu'on peut justement anticiper, réfléchir à comment faire, etc. Est-ce que je peux vous interrompre par un exemple ? Je vous en prie. Il y a eu, et en particulier le livre absolument magnifique de Jared Diamond explique ces situations. Il prend par exemple l'île de Pâques, qui a été jusqu'à avoir 300 000 habitants, et lorsqu'elle fut découverte au XVIIe siècle, ils étaient plus que 30 malades. Et là, on voit, dans une situation limitée, insulaire, et avec des comportements, et une idéologie, une hiérarchie, une organisation sociale telle, qu'il y a eu un effondrement total d'une civilisation. On peut dire la même chose pour les Incas. La situation particulière et spécifique, c'est que maintenant nous sommes dans une situation où la Terre a un volume fini et que nous sommes dans une situation universelle de crise climatique. C'est pas une petite île comme l'île de Pâques. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Vous avez tout à fait raison. Mais justement, la différence, c'est que l'île de Pâques était seule à devoir faire face à un certain nombre de questions, alors que là, aujourd'hui, nous sommes plusieurs au niveau de la planète à devoir prendre en compte les autres et savoir comment nous pouvons nous organiser par rapport à ça. Il va y avoir le 24 septembre, certainement au niveau des Nations Unies, le premier état du World Ocean Assessment, le premier état des lieux océans, qui va être une bible, une somme d'un certain nombre de choses. Je pense que là, eh ben, ça veut dire pourquoi c'est seulement le premier. Ça veut dire qu'auparavant, on n'en a pas fait. Et qu'auparavant, ça n'était pas une question. Donc par rapport au climat, on est un petit peu en avance par rapport à ça. Et je pense que, on peut avancer dans la réflexion avec l'ensemble des éclairages que nous avons aujourd'hui. François Dupont, catastrophiste. Moi, je suis comme François, je suis optimiste parce que je pense que l'homme est finalement intelligent et que, d'une part, et que donc il va trouver des solutions, mais il faut le convaincre qu'il est intelligent, qu'il va trouver ses solutions, il faut l'aider. Enfin, il croit qu'il est très intelligent, il se comporte comme un chimpanzé territorial et pas comme un bonobo, qui sont pour la réconciliation, mais enfin. Ouais. Enfin, entre le moment où Dieu a créé le monde et le moment où il y a eu la première molécule, il s'est passé 3 milliards d'années. Donc même lui, il a mis du temps pour nous construire, nous, et on n'est pas en... Donc il a travaillé longtemps. Le fait que nous travaillions longtemps, je pense, ne surprend pas grand monde. Donc moi, je pense qu'on va trouver, et on va être étonné. Je pense qu'on va être assez étonné. Qui aurait dit il y a encore un an que le baril serait à 40 dollars aujourd'hui? Personne. Bon. Olivier Blanc. Plus humblement, j'ai de la plus grande méfiance pour les prédictions. Je sais que c'est quand même, comme Stéphane Delisgeorge l'a rappelé, un exercice périlleux. Je me sens un petit peu incapable de faire des prédictions. Optimiste, j'ai l'impression que un optimiste, c'est presque un imbécile heureux, mais un pessimiste, c'est un imbécile triste. Donc, tant qu'à être un imbécile, je préfère l'être avec le sourire. mais je ne me hasarderai pas à des prévisions. Ce qui est sûr, c'est que, en fait, il y a une dimension sociale dans ces questions-là. C'est-à-dire que tout le monde ne s'en sortira pas de la même manière. Il y a encore une fois des gens qui ont plus de moyens pour faire face. Et ce qui est très, très, très important, c'est de prendre conscience que, justement, tous les phénomènes à venir vont probablement accroître encore les inégalités qu'il y a à l'échelle de la planète, et que si on partage des valeurs humanistes, il faut essayer d'aplanir ces inégalités à venir. Voilà. Alors moi, je partagerai, puisque je vais aussi donner mon sentiment, pour faire en tout cas avancer la thématique de cette émission d'aujourd'hui, j'adopterai plutôt la position de Jean-Pierre Dupuis, qui est pour un catastrophisme affirmé, déclaré, et qui amène à plus de conscience, c'est-à-dire se mettre dans la position « oui, il va y avoir effondrement, oui, il va y avoir une crise universelle, oui, il va y avoir une crise totale ». Et en particulier, deux auteurs, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, ont écrit un livre « Comment tout peut s'effondrer ». Ils ont utilisé ce conditionnel. Et évidemment, dans leur livre, ils montrent, et c'est, je crois, très démonstratif, que, regardons cet exemple qui va son air, d'une certaine façon, comme un bateau peut poursuivre sur son air. Il y a une alliance très forte entre la mobilisation et l'emploi continu, et on pousse des cris de joie récemment dans chaque fois qu'on trouve quelques réserves, sinon de pétrole, de gaz naturel. Il y a en tout cas quelque chose qui est lié entre la volonté économique et politique de continuer à utiliser les réserves fossiles, à utiliser à la suite de ça, évidemment, ce qui va avec, c'est-à-dire le moteur à explosion, c'est-à-dire l'automobile. Il faut imaginer que l'Inde prévoit des millions d'automobiles dans les années à venir, puisque pour l'instant, elles sont construites, mais beaucoup importées. Et donc, il y a cette chaîne qui conduit au non-renoncement aux énergies fossiles qui, de toute façon, sont limitées et qui montrent qu'on ne se projette pas dans, évidemment, des technologies douces, nouvelles, renouvelables. Il y a donc aussi tout un ensemble technique. Ils appellent ça le moteur voiture, quoi, pour abréger. Et le système financier qui va avec, et en particulier le néolibéralisme, qui lui est l'exemple même d'une disparité gigantesque entre une minorité extrêmement riche de la planète et la majorité. Je crois que 10 ou 20, mais peu importe, c'est la proportion, possède sur cette planète le strict équivalent de le reste de l'humanité. Donc voilà, est-ce que ça n'engage pas, est-ce que vous pouvez vous poser la question, cette fois comme écologiste, que ces affaires-là d'effondrement possible sont liées quand même à la technologie aussi, à des choix politiques? Oui, enfin, pour répondre, si vous me le permettez... Ah ouais, je vous permets tout ce que vous voulez, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qu'on prend à bras-le-corps quand on est scientifique, avec cette histoire de scénario qui pourrait conduire à des tipping points, ce qu'on appelle. Oui. Bon. Donc, ce sont des scénarios qu'on considère. Néanmoins, personnellement, en tant qu'individu, je pense que le moteur de l'évolution... du vivant sur Terre, ce sont les interactions. C'est les interactions entre le vivant, les vivants entre eux et avec leur environnement. Et de ce point de vue-là, on a quand même l'impression que ces interactions ont des effets négatifs, mais aussi ont des effets positifs et sont moteurs de l'évolution. Enfin, je suis darwiniste, donc personnellement... Évolutionniste. Donc je pense que, oui, en effet, on peut voir les choses comme ça, mais je crois que ça ne sera pas comme le mur de Berlin, l'ensemble de la planète Terre, ça ne sera pas comme le mur de Berlin qui, tout d'un coup, va s'effondrer. Il y aura, en effet, peut-être, comme l'île de Pâques, des disparitions gravissimes, catastrophiques. Mais à côté, il y aura peut-être autre chose qui pourra avoir lieu. François Dupont. Vous avez travaillé sur l'adaptation des espèces aux conditions extrêmes. Est-ce, ce que on pourrait penser que l'homme peut aussi s'adapter à des conditions extrêmes. Ah ben j'en suis convaincue, d'autant plus que, par exemple, on a découvert les écosystèmes qui sont le long des dorsales océaniques, les sources hydrothermales profondes. Oui. Oui. C'était une vraie découverte. On pensait qu'il n'y en avait pas, que c'était pas possible. À ces profondeurs, dans des conditions 400 degrés du fluide hydrothermal. Une pression. Un pH absolument acide, oui, complètement, oui, de 2, oui. Pas d'oxygène. Des concentrations en gaz carbonique insupportables. Et bref, c'est possible. Donc ça veut dire que le vivant est capable d'explorer aux limites un certain nombre de conditions que les physiciens ne peuvent pas imaginer du point de vue linéaire, ni les chimistes. Et le vivant trouve toujours des solutions. Ouais. Alors absolument, je pense que l'homme peut aussi trouver des solutions comme autre vivant. Juste pour un dernier mot. Je ne pense pas que l'espèce humaine, en tant qu'espèce, soit menacée. Ce sont nos sociétés. Parce que les êtres humains peuvent s'adapter à des températures très froides ou très chaudes, mais notre société, elle est menacée. Et il y a, pour rebondir sur ce que vient de dire Françoise Gaïl, il y a ce que les écologistes appellent la vertu pédagogique des catastrophes. On n'a pas du tout prononcé aujourd'hui le terme que je trouve extrêmement important, d'opportunité. Eh bien, on verra alors. On va voir, puisque de toute façon, cette semaine est consacrée à ces questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Françoise Gaïl. Amiral François Dupont, Olivier Blond, c'était Continent Science dans cette semaine spéciale. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. À la technique, Philippe Alarès, à la documentation Thierry Beauchamp, à la réalisation bien sûr d'Annie Journaud, Stéphane Delisgeorges. Continent Science est balado-diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales dans cette semaine spéciale intitulée « Climat, comment vivra-t-on le jour d'après ?» Dans quelques instants, à 15h, vous retrouverez Culture Musique. Il me reste bien sûr à vous souhaiter un très bel après-midi sur France Culture et puis, tout de suite, les bonnes feuilles. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales. Et c'est là où il va falloir qu'on finisse, puisque j'ai oublié le nom de la nouvelle émission de... Hein? Donc, nous ferons la désannonce complète la prochaine fois. Et tout de suite, les bonnes feuilles putaignes.